sais que mort redente est vivant et que le Saint-Esprit se linceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. Un jour il va venir, oh quel jour glorieux, un jour il va venir, oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, les Bibles seront fermées, nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le vent s'est dans les airs. Et moi je sais. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. La nouvelle naissance est une réalité, les baptêmes de l'Esprit. Du Fils de l'homme est une réalité. La révélation de cet tonnerre est une réalité. Le septième berceau est une réalité. Le millénium est une réalité. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Et moi je sais, je sais. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Trois zèbres passaient dans la fournaise avant de voir l'ange de l'Éternel. Job perdu tout ce qu'il avait avant de voir dans une vision la résurrection. Et moi je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit de la promesse. Oh, bientôt moi j'essaierai.